Vous êtes maintenant en direct de l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par Les Mondes de l'Utopie. Bonjour à tous et bienvenue en direct de l'émission Les Oreilles du Monde proposée par Les Mondes de l'Utopie. Alors on propose une émission chaque mois, donc chaque premier jeudi du mois. Et comme on commence l'année en beauté, en 2019 on a fait ça le deuxième jeudi du mois parce que ça faisait un peu court avec le nouvel an, fallait s'en remettre. Donc bonjour à Camille et Nanou qui nous accompagnent comme bonjour, chaque Flo. Émission. Coucou. Salut Nanou. Donc tout d'abord, on voulait vous adresser nos voeux de bonheur, de solidarité. On vous souhaite de prendre du bon temps, d'aller de l'avant, de faire de belles rencontres et toujours plus d'aventures et de découvertes pour cette année 2019. On va commencer l'émission. Camille va nous présenter un peu le déroulement de l'émission d'aujourd'hui et la PROC 2019 de l'association. Puis après, on va voir ce que Camille a à nous dire. Eh bien, bonjour à tous, meilleurs voeux aussi. C'était très beau d'ailleurs, Flo, ton petit bonne année. Et donc, alors, ce qui va se passer là, dans cette émission, c'est déjà, je vais commencer par vous parler de la programmation 2019, hein, puisque là, on a quand même pas mal, enfin, surtout Flo sur la prog, qui a pas mal bossé. Donc, voilà, je vais vous faire un petit tour d'horizon de la programmation de l'asso, et puis ensuite, on va avoir, là, tout au long de cette émission, ça sera une playlist spéciale sur toutes les groupes qui vont passer justement cette année à Rochesson. Et puis ensuite, on va présenter plus longuement l'association, c'est qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi, dans quel but, tout ça. Et puis un petit peu de musique, quoi. Donc cette année, on a décidé, enfin pour la première émission de l'année, on a décidé de faire un petit débriefing, enfin plutôt une petite mise en bouche de ce qui allait se passer en 2019 pour l'association Rochenat. Voilà, à peu près ce qui va se passer. Du coup, j'enchaîne direct avec la programmation 2019. C'est dit qu'on allait essayer de vous faire un peu saliver, voilà, pour vous prévenir déjà de tout ce qui allait se passer à Rochesson. Donc on va commencer l'année un peu en fanfare avec le 23 février, concert d'hiver. Donc comme l'année dernière, on avait fait un concert, on avait fait une soirée à cette époque-là. Donc là, cette année, le thème, c'est chansons françaises et populaires. Donc comme d'habitude, il y aura petite restauration, bar, un coin pour les enfants, coin canapé, tout ça. Et donc on aura le plaisir, là la programmation est terminée depuis peu, on aura le plaisir d'accueillir Gueule d'Aminche, Jack Simard et Picon Mon Amour. Voilà, donc là c'est pour la prochaine soirée des Mondes d'Utopie. Ensuite, on a une nouveauté cette année, c'est le 26 mai, un dimanche. Sur toute la journée, en fait, ça s'appellera Cultivons nos passions. Ça sera en extérieur, si le temps le permet. Donc on aura des marchés, un marché de producteurs, d'artisans du coin, un troc de plants, petit resto sorti du jardin, en espérant que le jardin soit clément au mois de mai. Et donc conférence gesticulée et un petit concert l'après-midi de Balping. Mais alors, comme ça sera en extérieur, on aura aussi les aires de jeu, comme on fait assez régulièrement en extérieur. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Enfin, une des nouveautés. Et puis, on sait déjà qui est la conférence gesticulée. Ah oui, la conférence gesticulée, elle sera proposée par la compagnie des Trois Trésors, qui nous vient de Saint-Dié et qui propose une conférence qui s'appelle « La rénovation de l'habitat, c'est chaud ». D'accord, ça promet. Donc voilà pour cette nouveauté en mai. Ensuite, on aura la fête de la musique, hein, comme l'année dernière. En extérieur toujours, ce sera le 22 juin. Et donc, voilà, petite restauration, petit coin cocooning, l'air de jeu. Et puis en groupe, on aura déjà dessus Maggie Ball et Camisella qui joueront ensemble. On aura Al Sarouib et Turfu. Et sûrement aussi une scène ouverte pour, ah oui, pour celles et ceux qui veulent se faire plaisir. Oui, alors la scène ouverte, on s'était dit, on a des adeptes du village de Rochesson qui aiment notre fête de la musique maintenant et qui ont proposé cette année une petite performance autour de la tradition vosgienne. Et ils reviennent cette année, donc on retrouvera Léa Tatos en première partie, en ouverture de la fête de la musique. Génial. Ah oui, et du coup, je pense que oui, on fera un petit appel. Appel à groupe s'ils veulent venir jouer et puis on fera une petite scène. S'il y en a qui veulent faire une petite démonstration de leur talent. Le petit moment de gloire, ça sera ce moment-là. Donc la fête de la musique, ok. Et donc ensuite, on aura toujours le 19 octobre, donc temps de pause comme l'année dernière également. Donc c'est le même principe, on aura des ateliers tout au long de la journée. Donc ce qu'il y a de sûr pour l'instant en atelier, c'est la percussion cubaine avec Jérémy Natag et on aura aussi de la percussion corporelle. Donc là on est en attente aussi de réponses par rapport au yodel et aussi d'acro-yoga. Donc voilà, pour l'instant ça c'est pas trop sûr, mais voilà, les ateliers percus sont maintenus. Donc pour temps de pause, oui, donc on aura le repas du Vosgien et les concerts le soir comme l'année dernière. Donc là on aura Jérémy Natag et Adèle B et Dendana. Et la dernière nouveauté de cette année, et qui sera en même temps le dernier jour de cette année... Roulement de tambour. La fête de Nouvel An. Donc voilà, sous l'idée, en fait c'est un ami qui fait partie de l'association qui a soumis l'idée à une dernière réunion, de pouvoir proposer à Rochesson un Nouvel An qui va rester accessible à tous, parce que c'est vrai que c'est souvent assez cher les soirées de réveillon. Du coup, on a gardé cette idée, donc ça sera le thème, enfin la soirée s'appellera Réveillons-nous, et donc on est plutôt parti sur soirée latine. Donc là pour l'instant la prog reste à faire, le repas on va y réfléchir, mais voilà, on part a priori sur la soirée latine. En tout cas, tout ce qu'on sait c'est que ça va être chaud chaud chaud. Et qu'on va sûrement bien s'amuser. C'est déjà pas mal, hein, ça nous fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 événements cette année. Donc voilà, moi j'ai fini pour la petite prog. C'est parfait, alors on va commencer la playlist de l'année. On va passer quelques morceaux, puis après on reviendra vous parler de l'association. C'est parti, moi je vais vous présenter les Gueules d'Aminche, donc qui seront présents à Rochesson le 23 février. Donc un groupe originaire de Metz, 8 ans de scène, 3 albums. C'est un quartet, accordéon, contrebasse, chant et batterie qui nous emporte dans leur balade musicale qui va entre la valse, la musette et le swing. Je les ai vus 3 fois en concert. Ah, t'es une fan en fait, Nanou. J'aime bien. Disons qu'ils sont assez doués pour emporter le public dans leur monde. Donc je vous laisse découvrir avec un extrait de leur dernier album, Du pain et des roses, avec Jack Simard. Voilà. Et toutes ces choses qui émerveillent. À quand le vent blanc et les roses de l'antan, le grand soir éternel et l'espoir dans l'escarcelle. Quand t'auras mangé ton pain noir et bu tes larmes de désespoir, quand t'auras gâché la maison et perdu la raison, quand la machine t'aura vaincu, que ton échine sera rompue, dans la bouche un coup de ferraille et tes gamins qui s'encanaillent. Petit matin, grand soleil, et toutes ces choses qui émerveillent. À quand le vent blanc et les roses d'antan, le grand soir éternel et de l'espoir dans l'escarcelle. Quand t'auras vendu ton cul pour une pièce d'identité, dans cette société corrompue, où tes fesses sont des billets. Ces billes en tête que t'y as cru à leurs promesses de liberté, tu savais pas qu'on se prostitue de Barbès jusqu'à l'Elysée. Quand t'auras bouffé tes bottes à courir après le printemps, quand t'auras brisé tes quenottes à trop vouloir croquer dedans, quand t'auras blanchi au charbon ta toison poivre et sel pour une berline, un pavillon et quelques soupes au vermicelle. attendent pendant les roses d'antan, les petits matins au grand soleil, et toutes ces choses qui émerveillent. Attendent pendant les roses d'antan, le grand soir éternel, et l'espoir dans l'escarcelle. Quand auront volé les girouettes, à trop suivre l'essence du vent, qui a renversé tes brouettes et les billes qu'il y avait dedans. Quand t'auras dévalé les pages et retourné tous les pavés, tant là où tu n'étais pas sage, tu ne seras plus que passé. Et voilà, c'était Gueule d'Aminche en direct sur Radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde proposée par Les Mondes de l'Utopie. On va enchaîner sur la playlist. Alors Camille va nous présenter le deuxième groupe. Alors le deuxième groupe, c'est Jack Simard. Bon, on reste dans le thème puisque là il était déjà dans la chanson d'avant. Donc Jack, c'est un artiste local. Hein. Il est vosgien et donc il a débuté tout seul. Nous, on se souvient bien des premiers concerts un petit peu timides comme ça à l'Estam ou par-ci par-là où il jouait seul. Et maintenant, donc, il est accompagné de deux autres musiciens, donc un pianiste et un batteur. Et c'est vrai que ça donne une dimension tout de suite vachement différente. Et donc, le Jack, il en est déjà à 6 albums hein, quand même. Donc, le dernier, c'est Sauvage, qui est sorti en septembre 2018. Donc, il tourne pas mal hein, maintenant. Et donc, je pense qu'on... Enfin, du moins, j'espère qu'on aura le plaisir de l'interviewer pour la prochaine émission, puisque comme il viendra le 23 février, s'il est disponible, on pourra discuter de tout ça avec lui. Voilà, donc moi, j'ai choisi Déchire, qui est une des chansons de... C'est pas du dernier album, c'est celui d'avant. Donc, voilà, je vous laisse... Les tambours ne battent plus, les clairons se sont tus et les feux se sont éteints. Hier encore ça fanfaronnait dans un tumulte bouillonnant. C'était l'espoir qui rayonnait et l'avenir qui s'emballait grand. Ne reste que le bourdonnement comme au lendemain de fête, lorsque les tympans répètent ce souvenir exaltant. Car cette fois c'est fini, le fabuleux s'enfuit un peu comme c'était venu, un peu plus vite que prévu. Déchire, déchire, déchire ce silence et chante même mal, et d'un cri de renaissance réveille les étoiles. C'est un livre que l'on ferme et qu'on pose sur la table. C'est le disque à son terme et c'est ce blanc insupportable. C'est un sentiment cru, triste, comme un générique, lorsque le film n'est plus qu'un creux cacophonique. Et c'est l'après des tempêtes, lendemain d'apocalypse, le silence des défaites, quand les vaincus s'éclipsent. Et c'est l'invasion du désert sur l'oasis à sec. C'est toute la vie qui se perd et qui nous cloue le bec. Déchire, déchire, et déchire ce silence et chante même mal, et d'un cri de renaissance réveille les étoiles. Ce soir le rideau s'abat sur les planches encore tièdes, et la destinée s'en va couper la corde raide. C'était la dernière goutte, le dernier tour de chant, le rêve qui taille la route et la route qui fout le camp. C'est du mort et enterré qui ne repousse jamais. L'histoire se fait la belle dans un dernier appel. Je savais mieux que personne combien les belles choses expirent. Je laisse mon dernier soupir et le glas qui résonne. Déchire, déchire, et déchire ce silence. Et chante même mal, et d'un cri de renaissance réveille les étoiles. C'est qu'on a hâte d'être le 23 février. Alors, ensuite, on va enchaîner. Et c'est Nanou, je crois, qui va nous présenter le prochain groupe. Ça. Alors, le prochain groupe, c'est Piquons mon amour, mon coup de cœur 2018, véritablement, que j'ai eu la chance de découvrir à l'admirable festival des fromages de chèvre de Christian Pacou, qui se déroule le dernier week-end de juillet à Courzieux. Un festival très humain. Donc, Piquons mon amour, c'est un moment unique de rigolade et de convivialité, avec un soupçon de suspense aussi, parce qu'avec Jojo sur scène, tu sais jamais à quoi t'attendre. Et ça, il faut le savoir. Donc, créé en 2014, ce duo accordéon-voix et multibasse est décomplexé et décomplexant. Il est rempli d'amour et d'humour. Mêlant mise en scène théâtralisée, composition personnelle osée, revendicatrice, rigolote et tendancieuse, ils font aussi de la reprise de chansons populaires que vous découvrirez lors de notre événement le 23 février. Piquons mon amour étanche notre soif musicale par son originalité burlesque et plein d'amour et un tantinet moqueur. Voilà. Et là, je vous propose un extrait de leur premier album qui est Changement de cap. Et puis moi, je voulais rajouter un petit truc, c'est qu'on a l'exclusivité de Piquons mon amour qui passe nord-est de la France. Il ne passe qu'au Monde de l'Utopie cette année. Donc si vous voulez avoir l'occasion de les voir dans le nord-est de la France, bah, c'est au Monde de l'Utopie à Rochesson le 23 février. Exactement. En plus, ils sortent de résidence, donc il y aura sûrement des nouveaux sons. Donc voilà, t'a présenté le morceau ? Ouais, oui. C'est Changement de cap, extrait de Qui s'y frotte Cyprine, leur premier album. Allez, on y va. Débarrasse, on est dans le rouge, faut que ça bouge, alors on recolle les babioles avec lesquelles on rafistole les écocasses pour notre envol. L'utopie. Voilà le topo, faut qu'on oublie, c'est ce qu'on nous a dit, mais on a osé rêver et tous unis on a réussi. Récupérer nos rôles, avant de jeter vos déchets, récupérer nos rôles, pensez à ces dossiers, récupérer nos rôles, d'autres pourront se servir, on a un meilleur monde à s'offrir. We'll ses ailes, on se fait la belle, il faut s'unir sur le même navire. Faut agir, le subir, c'est ses étoiles, on tire les voiles. Utopie. Voilà le topo, faut qu'on oublie, c'est ce qu'on nous a dit. Mais on a osé rêver, et tous unis, on a réussi. Récupérôle. On change le patient futur. Récupérôle. Il y en a assez des ordures. Récupérôle. On rafistole toutes les idoles. On lâche rien, on change de cap et on rigole. Capital sans terre, au devant le solidaire sans balle, on déploie nos ailes dans les airs. Unis, on est tous millionnaires. Au derrière le capital sans terre, au dehors le solidaire sans balle. Oh, mais moi je n'ai plus d'air. Alors, passez-moi le mic et faites péter les watts. On change rien de cap sur un, on se fait des boîtes. Hey, passez-moi le mic et faites péter les watts. On change rien de cap. C'est l'heure de guerre, c'est l'heure de lâcher les amarres. Comment des lâches, on en a marre. On est debout, même dans la boue, et solidaire jusqu'en enfer. L'âge de recyclage mettra celui du gaspillage. L'âge de glace, l'âge de fer, l'âge de bronze et l'art de guerre, c'est l'heure de lâcher les amarres. Vraiment des lâches, on en a marre. Et voilà, ça s'arrête là pour Piquons mon amour. Donc vous avez pu écouter Jack Simard, Gueule d'Aminge, Piquons mon amour. C'est les groupes qui seront présents le 23 février à Rochesson dans le cadre du concert d'hiver que l'on organise avec les Monts de l'Utopie. N'hésitez pas à venir, c'est vraiment pas cher et en plus ça va être super cool. On va enchaîner sur un autre son. Je crois que ça va déménager et Camille, elle va nous la présenter. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, on parle de Maggie Ball, on parlait pas de Belle Pygmée avant, non? Ah bon. Bah non, c'est Maggie Ball. C'est Maggie Ball, ok. Pour la fête de la musique. Oui, oui, oui, oui. Donc pour la fête de la musique, on aura donc notre chère Maggie Ball qui va venir en concert. Et donc, la Maggie, donc c'est, pour ceux qui la connaissent pas encore dans le coin, eh bien, donc c'est une Haute-Saônoise, n'est-ce pas? Et donc, on peut dire d'elle... Elle vient pas de la Haute-Saône, elle vient du Doubs. Elle vient du Doubs. Avec l'accent. Ah, pardon. Oula, si elle m'entend, elle va me taper sur les doigts quand elle va arriver. Bon, j'ai rien dit à Maggie. Alors... Donc Maggie, en fait, pour la présenter un peu, elle chante tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et des fois, c'est pas très beau à entendre la vérité, mais bon, c'est plutôt rigolo. Donc c'est de la chanson burlesque et comique. Et donc, voilà, c'est à voir, hein, parce que Maggie, elle met le feu direct, elle envoie tout le monde, tout le monde qui hésite un petit peu au début, et puis finalement... au bout de quelques chansons, tout le monde se met dans le bain et là, il n'y a plus qu'à profiter, rigoler. C'est vraiment des concerts, on repart avec le smile jusqu'aux oreilles. Et donc, la Maggie, eh ben, elle en est aussi, elle a 4 albums quand même. Donc, le dernier, c'est « Je suis pas ta mère ». Alors, déjà, le nom, il vend du rêve. « Je suis pas ton père non plus hein. ». Donc, le nom vend du rêve, la pochette de l'album, il faut la voir quand même parce que ça vaut le coup d'œil. Et donc, moi, j'ai choisi de Maggie Ball la chanson « Jean-Marc ». Voilà. Allez, Jean-Marc, je suis pas ta mère. Ce jeune homme qui était aussi jeune que mon père, il avait plus de phéromones que des SK en plein désert, m'a proposé son numéro. Il savait pas, le cochon, avec sa dégaine de vieux beau, qu'il allait finir en chanson sur son camion une inscription. Jean-Marc, pathétique, débouche tes canalisations, vidange ta fosse sceptique. S'il avait été zingueur, je me serais bien fait dézinguer. S'il avait été monteur, je me serais bien fait démonter. S'il eût été ramoneur, je me serais bien fait ramoner. Mais Jean-Marc, c'est un crooner qui débouche tes WC. J'aimerais que tu protèges ma berge, que tu me cures le siphon, que tu me carchérises, que tu m'asperges le fond des canalisations. Vidange-moi le bac à graisse, qui est plein comme un gendarme, j'ai les conduits en détresse. Tire-moi la sonnette d'alarme, caresse-moi le robinet, déverse-toi dans mon égout, inspecte-moi la cavité et remplis-moi les trous. Ah oui, dégaze-moi la cuve, pompe-moi la fosse sceptique, il fait tout chaud dans mon étuve, viens faire un tour sous mes tropiques.

Les gens se croisent, ne se disent rien. Ils font de leur vie un standing sex aussi. Mannequin, j'ai crédit dans ce magasin. Garantie bel homme, clé en main. De fil en aiguille, représentant. Me propose acheter mon futur enfant. Me propose acheter mon futur enfant. Me propose acheter mon futur enfant. Et voilà, c'était Bal Pygmée, un extrait de leur album, et avec Zinzin, le morceau. On enchaîne sur le reste de l'émission et on reviendra sur... On peut peut-être juste dire qu'ils seront là donc pour le 21 mai. Le 26 mai. Le 26 mai à Cultivant nos passions. Vous aurez le plaisir de les écouter. Voilà, vous pourrez même venir déguster un petit repas et ensuite danser, valser avec Malika. Donc on se retrouve le 26 mai pour écouter ensemble Bal Pygmée à Rochesson. Concert familial vu qu'il aura lieu l'après-midi. Oui. C'est exact. Le repas pour une fois aura lieu le midi. L'après-midi. Et c'est trop cool. Bon, on est hyper motivés ce matin, on fait la neige, hein, vu qu'il neige dans les Vosges, bah, on fait la neige aussi. Alors, on va enchaîner avec Camille qui va nous présenter l'association, qui, quoi, comment, où, tout ça. Camille, on t'écoute pour nous présenter un peu qui on est et pour les personnes qui c'est la première fois qu'ils nous écoutent sur Radio Gameuzo. Eh bien donc, notre association s'appelle Les Mondes d'Utopie. Bon, on l'a quand même dit assez souvent dans cette émission pour l'instant. Donc Les Mondes d'Utopie, on a commencé en 2016. Hein, donc c'était un groupe de potes qui s'étaient retrouvés dans un but commun. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour expliquer qui. Donc là, aujourd'hui, on est une centaine d'adhérents. Donc ce qui est quand même pas mal pour une petite association. Donc dans ces adhérents-là, eh bien, il y a à peu près une vingtaine de bénévoles actifs, enfin peut-être un peu plus, mais bon, sur les événements, on est entre 10 et 15, bon, c'est pas toujours les mêmes. Mais donc, d'ailleurs, on remercie tous les adhérents et également donc, tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour qu'on puisse passer d'excellentes soirées. Donc ces bénévoles actifs, j'ai dit un petit merci pour leur engagement. Et puis aussi, on est plutôt contents puisque à chaque événement qui passe, de plus en plus, les bénévoles se responsabilisent. Tout le monde commence à savoir un peu où est-ce qu'il faut aller chercher tel canapé, telle moquette, telle chose. C'est de plus en plus fluide. Voilà, oui, c'est ça. Et donc on est plutôt contents hein, parce qu'au moins, c'est vrai qu'au début, on était souvent sollicités. Là, maintenant, voilà, tout le monde sait un petit peu qu'est-ce qu'il a à faire pendant les événements, pendant la préparation, donc montage. Hein, donc voilà, ça dure un, deux jours. Plus avant, il y a aussi les sessions déco. Donc merci à ceux qui nous prêtent de la déco, qui nous prêtent un petit peu de temps, un petit peu de savoir pour qu'on fasse des trucs un petit peu jolis. Donc il y a ça en amont. Ensuite, pour l'administratif et puis l'orga général, bon, on est quelques-uns. On est de plus en plus nombreux, petit à petit, voilà, les gens s'impliquent plus. Et puis bon, là, comme ça fait déjà un an et demi qu'on organise des événements, ça devient de plus en plus facile. Hein. Et donc qui, voilà, à peu près. On peut aussi remercier la mairie de Rochesson. On le fait assez souvent, mais sûrement pas assez. Donc, qui nous soutiennent toujours. Ils nous laissent la salle à disponibilité. Ils nous autorisent à couper la route quand on veut faire une fête de la musique parce que la salle n'est pas dispo. Merci au conseil municipal. Ouais. Un grand merci. Oui. À tous ces gens du village voilà, qui nous soutiennent et du coup qui sont contents qu'on organise des événements. Et puis, de manière plus globale, un merci à tous les gens voilà, qui nous soutiennent de près, de loin, nos voisins qui nous prêtent les logements, un logement pour pouvoir accueillir tous nos artistes à chaque événement. Et en plus, ils le font avec grand plaisir. Un merci aussi à ceux qui prêtent leur champ pour faire des parkings. Un merci à ceux qui font des dons, qui nous prêtent des affaires quand on n'a pas tout le matériel adéquat. Donc voilà, tous ces gens-là, ils font partie de près ou de loin de l'association des Mondes de l'Utopie. Et donc voilà, ça fait une jolie petite. Donc pour les qui, je pense qu'on est pas mal, j'ai oublié personne. Eh bien, je sais pas, est-ce que tu as parlé de graphiste et puis de linge son pas... Oh mon Dieu, j'ai pas parlé de. Voilà, bah voilà, je savais. Heureusement qu'on est trois, hein. Je savais pas trop parce que j'étais dans mes écoutes et puis je me disais, est-ce qu'elle en a parlé ou pas? Est-ce que je le dis? Est-ce que je vais faire une grosse bourde? Mais non, en fait. Non, je vais le dire. Donc oui, effectivement, l'ingé son, on remercie Max qui était là toute l'année précédente, enfin les années précédentes d'ailleurs. Un grand, grand merci à Max. Il a fait du beau boulot, qui était là, dispo pour nous, surtout au tout début quand c'était un petit peu compliqué. Où on n'avait pas de sous, ouais. Voilà. Ça, tu peux le dire. C'est ça. Je me suis dit, comment je vais amener ça? Donc voilà, l'ingé son, et puis donc notre graphiste aussi, donc Martin Payot, qui a fait un beau boulot, en tout cas pour l'image des mondes d'utopie, le logo, toute la typo, et c'est lui qui nous prépare toutes nos affiches des événements de l'année. Donc voilà, on le remercie, et puis on lui fait un petit peu de pub, n'hésitez pas, c'est un très bon graphiste, voilà. Et puis je crois que c'est tout bon du coup, ce coup-ci, est-ce que j'ai oublié encore du monde? Non, moi, j'ai rien à redire pour l'instant. Non, moi non plus. Bon, si jamais j'ai oublié quelqu'un, qu'il se fasse connaître. Hein. On en reparlera dans l'émission d'après. Donc, qui, voilà, c'est à peu près ça. Quoi ? Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'on fait au monde de l'utopie ? Eh bien, on propose des événements. Donc, nous, on est axé beaucoup sur la culture du monde. Hein. Et donc, quoi ? Donc, c'est à travers des soirées-concerts, des repas, des spectacles. Voilà, là, maintenant, en plus, cette année, on a du coup le 26 mai, où c'est plutôt un événement autour des plantes. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on faisait pas mal de soirées-concerts et on s'est dit que ça manque un peu, puisque ça fait partie aussi de nos valeurs, hein, de pouvoir faire travailler un petit peu les artisans et les producteurs locaux. Donc, mais ça, c'est Nano qui vous en parlera plus tard. Ce sera un bel événement de partage. Oui, je pense. Et puis, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque on a Flo et Nanou qui, eux, vont nous parler plus en détail. J'ai dit deux fois détail. Donc, voilà, qui vont nous parler de l'association. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire pour faire une présentation vite fait? On est sur Rochesson, donc tous les événements se déroulent là-bas, hein, puisque les trois quarts des gens du bureau... Enfin non, dans le bureau, d'ailleurs, on habite tous à Rochesson. Sauf moi. Ouais, sauf Nanou, qui va bientôt faire partie du bureau. Voilà. Mais bon, elle n'est pas très loin. Espérons-le. Elle n'est pas très loin, mais sinon, voilà, on est dans le local, quoi. Donc, pour ma petite présentation, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Dis-nous tout, Nanou. On poursuit dans le local ou comment ça s'organise? On peut poursuivre dans le local, on peut poursuivre sur le territoire, comme vous voulez. Tu peux enchaîner, Nanou, si tu veux. Donc j'enchaîne. Moi, je vais vous parler de pourquoi c'est important pour nous de favoriser le local. Parce qu'au monde d'utopie, on tente un idéal d'équilibre entre nous-mêmes, humains qui vivons sur cette planète, et l'écosystème général, dans cette ère anthropocène, où en fait l'humain a un fort impact sur la planète depuis quelques dizaines d'années maintenant. Donc je vais résumer ce sujet en deux points. Premier point, c'est l'impact minimum lors de nos événements. Et le deuxième point, c'est l'organisation des événements qui rassemblent et encouragent dans le respect de la Terre et de l'humain. Voilà, un point assez essentiel pour nous au monde de l'utopie. Alors le premier point, l'impact minimum lors de nos événements, au monde de l'utopie, nous privilégions au maximum les achats en circuit court pour participer à une économie locale et solidaire, donc avec les marchés de paysans, on va chercher nos produits dans les fermes quand cela est possible, et on évite tant que possible les produits issus de grandes multinationales dont la seule finalité est la rentabilité. La finalité humaine ou écologique, il n'y en a pas. On s'en fout, c'est les sous. Ça, on évite au monde de l'utopie. On trouve que ce n'est pas très constructif pour notre avenir. Donc, non. Oui, puis on essaye d'être cohérent entre nos valeurs et puis ce qu'on peut proposer aussi à travers nos événements. Quoi. Donc. Exactement. Donc, sans être pour autant des puristes du locavore, car chaque année, on vous propose un repas d'outre-monde dont le but est la découverte des cultures culinaires des quatre continents. Donc cette année, ça sera le repas brésilien à Réveillons-nous le 31 décembre 2019. Voilà. On aime aussi beaucoup le Do It Yourself et la récupération au monde d'Utopie. Donc on fait nous-mêmes nos softs, nos jus de pommes. Les repas, eh ben, c'est nous aussi qui les préparons, soit le matin même ou soit la veille. Ça prend énormément de temps, mais on le fait. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le do-it-yourself? Ouais, bah, pour la déco. Les décos, voilà. Pour récupérer des trucs, ça, on en récupère. Voilà. D'ailleurs, on fait un petit appel parce qu'on commence à être très surchargé à la maison niveau place. Puisque bah, voilà, les gens, dès qu'ils ont quelque chose qu'ils veulent jeter, ils pensent déjà à nous et on les en remercie. Mais du coup, bah, le problème, c'est la place. Donc si jamais quelqu'un connaît un local ou un hangar qui serait vide et qui aurait besoin d'un peu d'être aménagé par tout un tas de bazar de l'assaut, qu'il n'hésite pas à venir nous en parler. Nous entendrons sa proposition. Oui, ça serait très... Oui, puis on est une asso qui tend à être autonome au niveau de tout son matériel. Et du coup, là, on a déjà fait la construction d'une scène l'année dernière en bois qui prend pas mal de place et qui, pour l'instant, est sous les intempéries vosgiennes. Et donc, on aimerait bien pouvoir la mettre à l'abri, puis aussi faire des résidences, toutes ces résidences de création de déco, de toutes les structures qu'on a besoin sur les événements, pouvoir les faire à l'abri et les garder à l'abri. Voilà. Ouais, être un peu plus à l'aise, niveau matériel, quoi. Oui. Pour pouvoir le stocker en toute sécurité. Ouais, c'est ça, niveau et espace, aussi, ouais, voilà. Et aussi que celui-ci, ben, soit pérenne, parce que si on récupère du matos, si c'est pour qu'il soit bousillé dans les 6 mois parce qu'il est dehors, ben, c'est pas très. Ouais. C'est plutôt une perte de temps. Voilà pour la petite parenthèse. Nous recherchons un local. Et maintenant, je vais passer au deuxième point, eh ben, l'organisation des événements qui rassemblent et encouragent dans le respect de la Terre et de l'humain. Donc, ben, chaque année, nous organisons des ateliers découvertes dans le bien-être et le partage. Donc, cela se passe au mois d'octobre. Et cette année, en 2019, il y aura aussi au mois de mai avec Cultivons nos passions, donc, qui présente des outils pour accéder quotidiennement à un mieux-être et à une meilleure connaissance de soi, ce qui permet un meilleur vivre ensemble. Voilà. Donc, ben, il y aura toujours un atelier musique, atelier yoga. Là, en 2018, on a eu le chant libre et la danse derviche. Et pour Cultivons nos passions, ça sera un véritable instant de partage avec un troc aux plantes, un marché artisan et paysan qui va permettre de rencontrer, de discuter avec les artisans du coin. Bon. Voilà. Favoriser, oui, les acteurs locaux, parce que bah, des fois, c'est vrai qu'on va vite au supermarché, puis en fait, on ne se rend pas compte que juste à côté, bah, on a un producteur en fait, pourrait faire bosser. En fait, ce sera le temps de la découverte, Cultivons nos passions. C'est ça. Le temps de la découverte et du partage. Découverte ou redécouverte, ouais. Bien sûr, pour ceux qui sont là depuis un moment, puis qui connaissent tous les bons plans. oui, eh ben voilà, moi j'ai fini, je trouve que ça m'allait bien. Si vous avez quelque chose à redire, je suis preneuse. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du, hein, du pas sujet. Pas mal, ouais, oui. Local. Oui, je crois que tu as parlé de l'humain, non, un peu. Ah oui, à fond. Ok. Parfait, Nanou. Bon, ben, c'est à moi, alors je vais vous parler. Ben voilà, qu'on est une association tout public. Donc, on propose des événements qui sont accessibles autant aux enfants, aux adultes qu'aux personnes âgées, mais aussi aux handicapés. On fait bien attention à chaque fois. À Rochesson, on a un accès handicapé à la salle. Quand on fait en extérieur, on garde toujours un accès handicapé. Enfin, je prends un petit exemple. Quand on a fait la fête de la musique, on a gardé des places handicapées tout proche de l'événement. Pour que ça soit tout prêt. Voilà. Pour donner une meilleure accessibilité. Merci, Nanou. Une meilleure accessibilité, exactement. Ensuite, on est là pour redynamiser la commune de Rochesson. Enfin, c'est un des objectifs de l'association, puisqu'on s'est installé à Rochesson, que c'est une commune qui nous suit et qu'il y a de l'avenir qui se crée dans cette commune. Il y a un petit côté très sympa, très cocon. Et donc, pour l'instant, on est à Rochesson, puis on espère qu'on va y rester encore longtemps. On est au cœur des Hauts-de-Vosges. Pourquoi au cœur des Hauts-de-Vosges? Bah, parce qu'on est au carrefour entre Gérardmer, La Bresse, Remiremont. Donc, c'est vraiment chouette d'être limitrophe avec l'Alsace, puis proche de tout. Ça nous donne beaucoup d'opportunités pour chaque événement. On souhaite, avec les mondes de l'utopie, on souhaite emmener un nouveau souffle culturel par le biais des événements autour des arts du monde. Donc on veut proposer quelque chose qui n'existe pas trop ici. Souvent, on sait pas qu'on retrouve les mêmes choses. Cette année d'ailleurs, notre programmation se rapproche de d'autres salles du coin, mais c'est comme ça. Et puis <C'est tout. rire> et puis on fera mieux après. En tout cas, on ramène des sonorités qui sont peu connues ici. Peut-être qu'on peut découvrir à la Souris Verte, mais à quel prix, ça, c'est différent. Au monde de l'utopie, on essaye de travailler sur un prix accessible à tous, donc accessible aux familles. C'est toujours gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et 12 ou 14 15. 15. C'était marqué 15. 15. Ouais, on 15, a inscrit 15, oui. 15 sur l'événement. Bon, 12, 14, 15, non, parce que c'est au rêve. Je crois que c'est 12 ans, alors j'avais ça en tête. Donc voilà, on reste une asso. On essaye d'être accessible un maximum à toute population. Et puis voilà. Je vois pas trop qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. Est-ce que vous avez un truc à dire, les filles, sur l'accessibilité, la diversité culturelle ? Oui, bah non, bah après tu l'as déjà dit, mais c'est vrai que dans les coins, on n'a pas trop de... Enfin, il y a sûrement quelques associations, mais c'est vrai que la culture du monde, la musique du monde, tout ça, c'est pas trop en vogue dans le coin, et c'est vrai que ça amène une nouvelle dynamique, et les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, on a déjà eu des gens qui nous ont remercié, ah bah c'est bien d'avoir de la musique du monde dans les Vosges, parce que c'est pas très souvent. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens à qui ça parle, quoi. Ouais, bah ouais. C'est une découverte du monde qui va aller en s'agrandissant, parce que nous avons de plus en plus de public lors de nos événements, et vraiment conquis. À moi, des personnes de 70 ans m'ont dit, c'est carrément mieux que Radio Nostalgie, et c'est cool, quoi. Quand t'entends ça, t'es heureux. Bah oui, hein. Parce que des fois, le choc des générations, bon, voilà, mais c'est vrai que, qu'en général, les gens du coin sont plutôt contents. Donc, Oui, puis ça change aussi du punk rock, ça change de la chanson française. Enfin, on va faire, bien sûr, un spécial chanson populaire et française, parce que c'est magnifique, il y a un répertoire sublime dans ce domaine-là. Mais ça change, et c'est important pour moi de faire découvrir et de promouvoir toutes ces cultures et tous ces arts que fait notre belle planète. Oui, on a l'espoir que l'association fonctionne bien et qu'on ait un peu plus de budget pour amener des groupes intéressants, parce que faire ramener des groupes de musique du monde, c'est pas toujours facile quand ils viennent de loin, payer le voyage, tout ça. Donc notre but, c'est quand même faire venir des groupes de musique du monde. Et puis la musique du monde, c'est hyper riche et variée, donc vous allez découvrir des sonorités d'un peu partout dans le monde. Oui, c'est très vaste. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que les mondes d'utopie font découvrir des sonorités musicales pas très connues, comme le didgeridoo, le hang, qui commence depuis quelques années en France à faire leur apparition. Cependant, ça reste encore assez underground. Et dans les Vosges, grâce au monde d'utopie, on découvre et on danse. Et on est underground. Bon, mais on va continuer notre émission. Je peux refaire un petit direct. Ouais, bah vas-y. Vous êtes en direct des Oreilles du Monde, proposé par les Mondes de l'Utopie sur Radio Gamozo. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, on vous présente la playlist de la programmation 2019. On vous a présenté l'association Les Mondes de l'Utopie, nos diverses actions. Et on va enchaîner sur la seconde partie de playlist qu'on va vous proposer. Donc on va enchaîner avec Camille Cella. Ah oui. Donc Camille Cella, ou c'est toi ? Camille, allez, c'est toi. Allez, c'est moi. Vas-y, c'est toi, allez. Bon, bah Camille Cella, qui c'est Camille Cella ? Bon, nous, on a eu l'occasion de l'accueillir pour son premier concert en janvier ou février. C'était son premier concert ? Oh, bah je m'en souviens plus de ce détail-là. C'était son premier concert, c'était son lancement en janvier dernier. On l'a accueilli dans notre salon. On fait dans l'exclu, nous. Elle a ravi le public qui était là, une cinquantaine de personnes. Depuis, elle s'est fait... Comment ça se fait un nom ? Camille, c'était la violoncelliste de Chapelier Fou, pour ceux qui connaissent. Donc, Camille, à découvrir. Et elle sera là le 22 juin à Rochesson pour la fête de la musique. Elle va jouer avec Maggie, non ? Voilà, elles vont jouer toutes les deux sur scène en ping-pong. Donc on va voir comment elles vont monter ça, leur projet. Et donc je vous laisse découvrir Tu sais, de Camille Cella. Et puis c'est une petite dédicace à Gilles. pour l'autre. Toi, tu sais pourquoi aujourd'hui je souffre autant. Depuis que la vie m'a fait faux bond, je me retrouve sans un rond à me lamenter sur mon sort. C'est con, avec pour amis seulement du rhum, du sucre, du citron. C'est la vie qui m'a fait faux bond. Depuis que la vie m'a fait faux bond, j'ai perdu la raison. Après ces longues discussions avec mon esprit défiant, mon cœur, mon âme, mes démons, c'est la vie qui m'a fait faux bond. Toucher la folie, tant que c'est beau, c'est permis, comme un gamin innocent, sans l'ombre d'un souci. Oh, enfin j'ai compris. Aller à rêver, à fantasmer. J'ai fait le choix de créer pour moi l'extase ou le néant. L'attraction est la même des deux côtés, et moi je sais lequel me fait vibrer. L'attraction est la même des deux côtés, et moi je sais lequel me fait vibrer. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. C'était Camisella en direct sur Radio Gemozo. Enfin, pas en direct, elle n'était pas là avec nous, Camisella, mais c'était un petit extrait de l'album Parfois si sombre de Camisella qui est sorti cette année 2018. Donc voilà, on est content de vous partager ce petit morceau de Camille et on va enchaîner avec Nanou qui va nous présenter un petit groupe qui vient sûrement, enfin c'est pratiquement sûr, à la fête de la musique. Je l'espère, Flo, je l'espère, car je ne les ai encore jamais vus et vraiment j'ai hâte. Donc je vais vous parler de Turfu. Turfu qui est un duo accordéon, batterie, clavier. Leur rencontre s'est faite en 2014 au Portugal sur les collines de l'Alentejo dans un festival de musique traditionnelle. Donc Turfu, donc ils se sont rencontrés en 2014, ça a pris un petit peu le temps et depuis l'année dernière, ils commencent à bien tourner. Ils ont fait leur premier concert d'ailleurs au Portugal. Donc Turfu nous propose une transe instrumentale enivrante et frénétique qui s'inspire du répétitif de l'électro et qui se mélange avec le traditionnel de l'accordéon. Je vous en dis pas plus. Moi perso, en ayant un petit peu écouté, je suis seulement contente qu'en fait, des fois, l'accordéoniste reprend le dessus parce que ça te fait te poser, parce qu'il t'emmène pas mal loin. Il gère Turfu. Donc, je vous propose un extrait de leur futur album qui n'est pas encore sorti, mais qui normalement va sortir en février. C'est I Love You, Baby. Thank you. C'était Turfu sur Radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde proposée par Les Mondes de l'Utopie. Donc Turfu qui sera le groupe de clôture de la fête de la musique. L'an passé, on avait l'Appel de la Forêt. Cette année, nous avons Turfu. Et ils vont encore nous faire flyer à 15 000. Ça va être génial. Donc on continue la playlist avec un groupe qui nous vient de Suisse, un groupe aux influences arabes orientales, un groupe de 8 musiciens, 2 batteries, pas mal de monde, un chouette groupe de chouettes musiciens. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur Al-Sarwib. Je vous laisse découvrir Al-Sarwib. On avait fait une interview avec un des musiciens du groupe d'Al-Sarwib il y a 3-4 mois. Donc je vous laisse découvrir Barkan de l'album d'Al-Sarwib. Thank you. C'était Al-Sarouib, un groupe qui nous vient de Bienne, en Suisse, avec le morceau Barkan, issu de l'album Messa. Donc vous pourrez les découvrir à la Fête de la Musique cette année, à Rochesson, le 22 juin. Donc on continue notre playlist en direct sur Radio Gamozo dans les oreilles du monde, l'émission présentée par les mondes l'Utopie. On propose une programmation, on propose une playlist de la programmation 2019. Et du coup, Nanou ou Camille vont nous présenter le prochain groupe. Eh ben, le prochain groupe, c'est moi, Flo, qui le présente, c'est Dendana. Donc je découvre spécialement pour cette émission. Je ne le connaissais pas plus que ça auparavant. Donc Dendana est un auteur, compositeur, interprète de talent. Révélation masculine 2011 en Algérie. Il a deux albums à son actif. Deux albums plutôt différents. Dans le premier, il a créé un savoureux mélange aux sonorités de jazz, de reggae, de guana. Le guana qui est une trans... Gnawa. Je sais pas ce que c'est que guana, mais t'as confondu avec guano aussi. Pardon. Le Camille, tu peux répondre. Le gnawa, qui est une transe religieuse à but thérapeutique. Et son deuxième album, où il est en solo. D'ailleurs, c'est un extrait de celui-ci que je vais vous proposer. Donc, où il est au chant et à la guitare, et qui est un mélange de classique occidental et de trad maghrébine. Voilà. Et dans ces deux albums, il sublime la musique traditionnelle algérienne qu'il a découverte par lui-même et l'ouvre au public en écrivant ses textes en algérien et en français. Donc, depuis 2012, son arrivée en France, Dendana écume pas mal les scènes parisiennes. Voilà ce que j'ai à dire, ce que j'ai découvert lors de ces dernières semaines. C'est top. Merci Nanou, on écoute. Donc, ouais, je vous propose d'écouter Dounia, un extrait de son dernier album, Mélodie. Ya layta dounia. Pardon Flo. Laysa dinu bi ummala. Wa ya layta dounia. Laysa dinu bi ummala. Wa ya layta dounia. Laysa dinu bi ummala. Wa ya layta ليس الدين بأم لا وكان جات الدنيا دنيا حقوق الإنسان والديمقراطية وكان جات السطلة نعمة كيتك ميتعطش ما تشرب الماء يعطيني الفوح اللي يعطي الروح باغي نعطي لمخي باغي الروح الروح بيت بيت وين كاين النور Un joli papillon se posa sur mon front, me questionnant comment peut-on rêver aussi longtemps. Je me suis réveillé à l'âge de 25 ans, me demandant si on était vraiment indépendant. Si le gouvernement pensait enfin à ses enfants, si l'on pouvait s'exprimer dans ce monde librement. J'ai assisté à la réconciliation des continents, à l'extermination de toutes les guerres des religions. La religion n'est pas une devise, trop glorifiée, elle nous divise. La religion n'est pas une emprise, la liberté reste de mise. La religion n'est pas une devise, trop glorifiée, elle nous divise. La religion n'est pas une emprise, la liberté reste de mise. La religion n'est pas une devise, trop glorifiée, elle nous divise. لات الثقه في الديكي في المتف لقاء يا ليت الدنيا ليست ديما بعملا ويا ليت الدنيا ليست ديما بعملا ويا ليت الدنيا لا religion n'est pas une devise ويا ليت الدنيا trop glorifiée elle nous divise ويا ليت الدنيا لا religion n'est pas une emprise ويا ليت الدنيا ma liberté reste de C'était Dounia de l'album Mélodie de Dendana que vous pourrez retrouver le 19 octobre à Rochesson dans le cadre de l'événement Temps de Pause. Donc voilà, comme on vous le disait tout à l'heure, au monde de l'utopie, on vous propose, on sait où on veut vous emmener. On a commencé par la chanson française au tout début de l'émission, puis voilà, on termine sur la musique du monde. Oui Camille, tu as quelque chose à me dire ? Oui, moi j'avais encore un artiste à présenter. Oui, bah je sais. Ah d'accord, pardon. Je sais qu'il reste un artiste. Je disais que tu m'avais oublié. Là, vers où on en venait. Donc voilà, on est parti de la chanson. Je reviens sur ce que je disais. On est parti de la chanson française pour arriver dans la musique du monde. Maintenant, on est au cœur de la musique du monde avec de la chanson algérienne. On est passé par Turfu avec plus de traditionnel et des sonorités un peu techno-trans. Donc maintenant, on va partir sur un autre groupe que Camille va nous présenter. Ce coup-ci, c'est bon. J'y vais. Donc l'autre groupe qui va passer donc à la soirée Temps de Pause avec Dendana, ça sera Jérémy Natag et Adèle B. Donc ils jouent ensemble. D'ailleurs, je crois qu'ils ont déjà joué aussi avec Dendana, les trois ensemble. Donc peut-être qu'on aura quelques chansons avec les trois en même temps. Oui, c'est même sûr. Ah, ça c'est bien, j'aime beaucoup. Et donc Jérémy Natag, lui, il est multi-instrumentiste. Donc notamment, il joue de quatre angles, de la batterie au pied. Et donc, lui, c'est plutôt groove ethnique, transacoustique. Et donc, il a un nouvel album qui s'appelle Panoramique, où il joue avec de nombreux invités, dont Adèle B, qui, elle, est didgeridiste et guimbardiste, hein, qui est quand même assez connue dans le monde du didgeridoo, parce que je crois qu'elles ne sont pas nombreuses en tant que femmes à jouer du didgeridoo. Tu me dis si je me trompe, Flo ? Non, c'est vrai. Bah, Adèle est une des meilleures joueuses françaises, oui. Oui, c'est ça, c'est qu'elle est quand même plutôt connue dans ce milieu-là. Et donc, elle a fait un deuxième album. Donc, après, je n'ai pas trouvé énormément de choses sur Adèle. Peut-être que toi, tu peux nous éclairer un peu plus. Eh bien, Adèle, elle est en train de sortir... s'est fait connaître avec Zalem. Ah oui, c'est Les deux plus grands didgeridistes français qui, aujourd'hui, se sont séparés. Adèle est passée par un projet avec Jérémy et maintenant, elle a un projet toute seule en solo. Plus calme et plus dans le voyage sonore, mais toujours dans la pulse avec Jérémy, avec qui elle tourne pas mal, et toujours un peu avec Zalem de temps en temps. Donc on va vous laisser découvrir le duo. Bah, la chanson, c'est Punchy Track. Alors je sais pas si c'est vraiment le nom de la musique, mais en tout cas, voilà, c'est avec Jérémy Natag et Adèle B. On vous laisse écouter. I'm Et voilà pour aujourd'hui, c'était Jérémy Natag et Adèle B. Donc à découvrir le 19 octobre à l'événement Temps de Pause en coplateau avec Dendana. Aïe aïe aïe, ça va envoyer, ça va envoyer. Alors moi je voulais, avant qu'on se quitte, faire un... Nanou et moi, et d'ailleurs le reste de l'association, on dit un grand merci à Flo qui a bien bossé sur la programmation, on est dans le respect des thèmes, il a fait bien attention aux envies de chacun, du coup il y en a un petit peu pour tout le monde, et sachant que c'est quand même un gros gros boulot. Après voilà, moi je voulais aussi remercier tous ceux de l'asso qui travaillent aussi en amont, donc pour tout ce qui est paperasserie, appeler à droite, à gauche, pour que l'organisation logistique se fasse en amont, et puis bien sûr tous les bénévoles et les adhérents. Voilà, mon petit remerciement. Parfaitement d'accord avec toi Camille, mais un spécial big up à Flo Revençon. Non mais vraiment, vraiment Flo, tu gères à fond le programmateur des Mondes d'Utopie. Là j'étais en train de me rendre compte que tous les thèmes des événements de cette année vont être respectés. Concerts divers, ça sera le thème cette année, chansons populaires. Fête de la musique, la fête de la musique sera éclectique, diversifiée, et elle va envoyer du fat à fond. Et Temps de Pause, ce sera un événement pour soi, pour se reconnecter avec soi. Flo, big up. Ouais, merci les filles. Bah, c'est pour nous tous que je fais ça. C'est chouette, ça fait plaisir de s'investir et puis de voir que ça fonctionne. Bon, en tout cas, l'émission s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve le 7 février pour une émission spéciale autour de l'événement du 23 février. Concert d'hiver, où on aura sûrement des interviews des artistes présents le 23 février. Et voilà, on vous souhaite une belle journée à tous. Prenez du bon temps, profitez de la neige et on espère avoir un petit peu de soleil. Prenez soin de vous les loulous, bonne au mois prochain. À vous. Des à bisous. Au revoir, bisous, bisous. Bisous, bisous. Et le générique. C'était Les Oreilles du Monde avec l'association Les Mondes d'Utopie.